Merci Tiffaine, très bon après-midi à vous. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Les Beatles ont connu plusieurs vies en une décennie de carrière. Du petit groupe d'enragés qui électrisait les clubs en 1962, ils sont devenus des vedettes internationales en costume, à col presque rond, puis des moustachus hippies du temps de Sgt Pepper et enfin des rockers aux cheveux longs au moment de l'album Abbey Road. Les débuts et la trajectoire du groupe le plus célèbre de tous les temps, c'est Frédéric Granier qui nous les a racontés à l'occasion de l'apparition de son livre « Quatre garçons dans le siècle » aux éditions Perrin. Et puis hier, c'est le même parcours que nous avons repris, mais avec Jacques Volcouve et sous un angle cette fois musical, au cours d'une émission disponible à la réécoute en ligne. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler du son des Beatles et surtout de leur rapport avec la culture savante, nous sommes avec un spécialiste de ces deux thèmes, Olivier et Julien, bonjour à vous. Bonjour. Vous enseignez l'histoire et la musicologie des musiques populaires à la Sorbonne. Vous avez soutenu une thèse de doctorat sur le son des Beatles, c'était en 1999. Et puis vous avez contribué à plusieurs publications spécialisées, notamment avec Grégoire Tosser. Vous avez coordonné le spécial Beatles Studies de la revue des musiques populaires Volume, c'était en 2015. La musique qu'on entend derrière nous, c'est une reprise de Help, arrangée par Arthur Wilkinson et jouée par l'Orchestre Philharmonique de la ville de Prague. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'adaptations orchestrales et même symphoniques de leur musique. Et même vocales, puisque vous savez que Cathy Berberian a longtemps été associée à partir de 1966. Elle avait fait sa spécialité de reprendre en rappel quelques chansons des Beatles. On en écoutera justement une tout à l'heure. Voilà, dont certaines étaient même arrangées par Berio, son mari. Qu'est-ce que ça signifie que cette musique soit adaptée par beaucoup d'orchestres de musique classique? Qu'est-ce que ça dit de la musique des Beatles, selon vous? Alors disons que c'est sans doute l'un des événements qui ont participé de la légitimation des Beatles et à travers eux de la musique populaire, en tant notamment qu'un objet d'étude digne d'intérêt pour les universitaires. Est-ce que vous avez le sentiment, Olivier Julien, que finalement ces orchestres, s'ils reprennent beaucoup de la musique des Beatles, c'est pour se faire un petit coup de publicité ou parce qu'ils considèrent réellement que c'est de la très bonne musique ? Peut-être pour se faire un peu de publicité. Je pense aussi qu'ils s'inscrivent dans une mode qui a été lancée par Cathy Berberian et puis peut-être tout simplement que ça exprime le fait que cette musique, quand bien même elle viendrait du champ, disons, populaire de la culture, est incontournable, véritablement, pour tout le monde, quel que soit le... Vous savez, j'ai à la Sorbonne quelques étudiants qui viennent du CNSM. Ils ont quelques cours optionnels à choisir chez nous. Donc le CNSM, c'est le conservatoire, pardon, de Paris. Ils ont quelques cours optionnels à choisir chez nous, et systématiquement, leur choix se porte sur les cours qui traitent des musiques populaires. Mmh. Mais vous, en tant que musicologue, quel regard portez-vous sur la musique des Beatles en tant que composition musicale? À vrai dire, en tant que musicologue, moi, je ne viens pas de la musicologie, dis donc. Je ne suis pas quelqu'un qui a été initié très tôt à la musique savante et qui en est ensuite venu à travailler sur les musiques populaires. Mon cheminement a plutôt été inverse. Alors, quand vous dites que finalement vous êtes passé de la musique pop à la musique savante, comment est-ce qu'on fait ce trajet-là? Comment s'opère cette trajectoire? Parce que c'est vrai que on a plutôt l'impression de l'extérieur que la musicologie, c'est d'abord étudier la musique savante et se pencher ensuite sur de la musique populaire. Vous nous dites que vous avez fait le chemin inverse, au fond. Alors en France, c'était le cas quand j'ai décidé de me lancer dans une thèse sur le son Beatles. Ça a déjà été très difficile de trouver un directeur de thèse susceptible de me diriger. Il a fallu que j'aille chercher un conseiller scientifique également au Royaume-Uni, à Liverpool. En revanche, j'ai découvert, à mesure que je m'initiais à ce que l'on appelle les Popular Music Studies, j'ai découvert que les musiques populaires en tant que champ de recherche étaient légitimisées dans le monde anglophone depuis pratiquement une vingtaine d'années, depuis les années 70. Mmh. Et les Beatles, naturellement, ont participé de cette légitimation. Alors, parmi les personnes qui ont légitimé, justement, cette musique des Beatles, il y a un grand compositeur américain, également chef d'orchestre, c'est Leonard Bernstein, Olivier Julien. Oui, à l'occasion d'une émission qu'il a produite pour la télévision américaine en 1966, qui s'appelait The Pop Revolution, ou The Rock Revolution, je ne sais plus. Et The Rock Revolution, en fait c'était Inside Pop, voilà, Inside The Rock Pop. Revolution, donc comme ça vous avez les deux. Voilà, et donc pendant plus d'une heure il était assis face à la caméra, accoudé à un piano, et il tentait de faire comprendre aux téléspectateurs pourquoi il trouvait ces musiques dignes d'intérêt, et évidemment 80% des exemples qu'il citait, qu'il reprenait au clavier de son instrument, étaient des chansons des Beatles. Here's a cheery bit by the Beatles. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Sunshine. Now that's not just cheery, it's also very unorthodox. For one thing, it suddenly, if you noticed, leaves out a beat. So that an ordinary four-beat measure becomes a three-beat measure. Listen. Good day, sunshine. One, two, three, four. Good day, sunshine. One, two, three. One, good two, day, three, sunshine. And so on. You see, just one sudden bar of three among all those fours. We never used to find that in pop music. It's new. And then, just as suddenly, there was that arbitrary change of key. Sort of tart, pungent. Then there was that odd little cannon at the end, a sort of round. What a way to fade out in a new key, a shifting meter, a sudden new counterpoint. But that's the Beatles, always unpredictable and a bit more inventive than most. You know a remarkable song of theirs called She Said, She Said? Well, in that song, which goes nicely along in four. Voilà donc cet extrait du documentaire Inside Pop, The Rock Revolution, dans lequel Bernstein explique que c'est une musique qui à la fois remonte le moral, qui est cheery, et puis qui en même temps sur le plan musical est intéressante. Et il parle notamment de ces changements de mesure qui sont une des caractéristiques de cette chanson, Olivier Julien. Voilà, son propos, c'est que les Beatles utilisent finalement un matériau harmonique qui est tout à fait élémentaire, qui est celui de la pop musique depuis les origines, à ceci près que tout en restant confinés dans ce système harmonique rudimentaire, ils parviennent à faire preuve d'inventivité en concluant par exemple leur chanson avec une transposition de mi-ton totalement inattendue, en changeant de mesure. Ça c'était spécialement, en particulier la spécialité de Lennon, hein, il faisait beaucoup ce genre de choses. Donc des choses qui étaient jusque-là totalement étrangères à la sphère des musiques populaires. Est-ce que cela, selon vous, pourrait venir du fait que les Beatles sont des autodidactes et qu'ils ne sont donc pas passés par le conservatoire, qui peut aussi être un filtre pour la composition? Cela dit, vous savez, à l'exception de Burt Bacharach ou de quelques gens comme ça, peu de compositeurs de musique populaire étaient passés par des conservatoires. Mais les Beatles ont eu la chance de croiser, en revanche, dans leur parcours, quelqu'un qui était passé par un conservatoire extrêmement prestigieux, la Guildhall School of Music, en l'occurrence, je parle de leur producteur George Martin, qui ne se contentait pas de produire les disques sur un plan technique, mais qui les a initiés à toutes sortes de techniques de traitement sonore qui avaient trait aux manipulations de bandes, un petit peu comme on l'a fait ici, hein, au studio d'essai. C'était au GRM aussi. Voilà, George Martin avait, avant de travailler avec les Beatles, travaillé comme producteur de Comedy Records, c'est-à-dire des sortes de dramatiques, si vous voulez, qui étaient réalisées à base de toutes sortes d'effets sonores. Donc il savait comment s'y prendre pour tirer des sonorités inouïes du matériel dont il disposait. Et évidemment, évidemment, George Martin, étant donné sa culture, les a initiés tant bien que mal à la musique savante. Je dis tant bien que mal, puisqu'il y a une fameuse anecdote. Il paraît qu'il a fait écouter Daphnis et Chloé à John Lennon. Il a demandé ce qu'il en pensait. Et Lennon aurait répondu, c'est pas mal, mais pourquoi la mélodie est aussi longue? Mais alors justement, George Martin, a priori, n'était pas un producteur de musique pop ni de musique rock. C'est quelqu'un qui, bon, prend les Beatles un petit peu comme ils viennent, mais il n'est pas de ce milieu-là, n'est-ce pas ? Disons que George Martin travaillait pour EMI, qui était quand même la majeure compagnie, la compagnie de disques la plus importante à l'époque en Grande-Bretagne. Mais de musique classique, enfin. Oui, de musique classique, mais de ce fait, dans les studios d'Abbey Road où Martin évoluait, il était amené à côtoyer des gens comme les Shadows, Cliff Richard, qui était la grande vedette de l'époque. Donc ce n'était pas un monde qui lui était totalement étranger. Simplement, le label qui lui avait été confié par le Fun était un label qui n'avait pas encore fait ses preuves dans les musiques populaires. Il va les faire avec les Beatles. Alors, justement, dans ce rapport avec la musique dite d'expérimentation, est-ce que il va y avoir une réelle prise en compte finalement de ce qui se fait dans un champ un petit peu élitiste quand même de la musique par les Beatles, ou est-ce que ça leur arrive un petit peu comme ça par la bande, justement en jouant avec la technique, en jouant avec les bandes? Est-ce qu'il y a un rapport finalement à l'avant-garde musicale qui est un petit peu assumé selon vous? Qui est en tout cas, je pense, beaucoup mis en scène. Je pense notamment à Lennon après qu'il aura fait la connaissance de Yoko Ono. Je pense également à McCartney qui lui avait vraiment cette volonté de légitimation par le biais de sa belle famille de l'époque, la famille Asher, qui était une famille qui appartenait à la grande bourgeoisie londonienne. Mais il y a vraiment beaucoup de façons d'envisager cette question. Je pense notamment à, vous savez que John Lennon avait été étudiant dans une art school, et vous connaissez sans doute, donc, comme il devait le connaître également, ce qu'on appelle l'incident de Murnau, c'est-à-dire Kandinsky rentrant chez lui un soir, découvrant dans la pénombre l'une de ses toiles posée à l'envers, et se disant, voilà, c'est ça que je cherche. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'il aurait eu, soi-disant, l'intuition, disons, de la peinture abstraite. Eh bien, Lennon, étrangement, prétend que la façon dont il en est venu à avoir l'idée de renverser une bande magnétique, c'est-à-dire vous enregistrez un son sur une bande, après l'enregistrement, vous inversez les deux bandes et vous le lisez à l'envers. Ça, c'est une technique que les Beatles ont introduite dans les musiques populaires. Ils ne l'ont évidemment pas inventée, mais ils l'ont introduite dans les musiques populaires sur la chanson Rain. Et Lennon a prétendu, dans quelques interviews, être rentré le soir du studio et, sous l'emprise du cannabis, ne sachant pas trop bien ce qu'il faisait, avoir mal positionné les bandes. Crédible. C'est crédible, je trouve qu'il y a quand même des ressemblances un peu troublantes aussi avec l'incident de Murnau. Alors, toujours est-il que, comme on l'a entendu avec l'extrait du documentaire avec Bernstein, il y a une espèce de phénomène d'appropriation par la culture cultivée de ce phénomène Beatles. Comment est-ce que ça se passe et au fond, à partir de quand ça commence? Est-ce que ce documentaire-là, c'est le début de cet adoubement, ou est-ce qu'on peut trouver avant cela déjà un intérêt pour cette musique populaire par les milieux de la culture cultivée? Non, ce sont vraiment le Bernstein, Berberian, puisque je parle de Berberian également, Berlioz, qui va écrire le compositeur Luciano Berlioz, qui était le mari d'ailleurs de Cathy Berberian. Voilà, le mari de Cathy Berberian. Enfin, à l'époque, ils étaient divorcés en réalité, mais l'ancien mari en tout cas, qui va publier dans la Nuova Rivista Musicale Italiana un article intitulé « Commenti al rock » dans lequel il va lui aussi expliquer les raisons de son intérêt pour le rock. Et là encore, les Beatles auront la part belle dans cet article. Donc il y a vraiment une dynamique à partir de 1966-1967, c'est-à-dire si on se base sur la production discographique des Beatles à partir de Revolver. I asked a very close friend of mine and my favorite Dutch composer, Louis Andriessen, to make arrangements. And he did this particular arrangement of Ticket to Ride as it might be sung by a Handel oratorio singer in the provinces. I think I'm going to be sad. I think it's today. The boy that's driving me mad, he's going away. He's got a ticket to ride. He's got a ticket to ride. He's got a ticket to ride, but he don't care. He said that living with me is bringing him down, yeah. For he would never be free when I was around, yeah. He's got a ticket to ride. He's got a ticket to ride. He's got a ticket to ride, but he don't care. I don't know why he's riding so high. You're to think right, you're to do right by me. Before he gets to saying goodbye, you're to think right, you're to do right by me. I think I'm going to be sad. Donc ça, c'est un extrait de Ticket to Ride par Cathy Berbarian. Vous vous souvenez de la première fois dont vous avez, la première fois où vous avez entendu cette version, qui est quand même assez étonnante. Il faut s'y faire, hein. C'est vrai, pour vous dire la vérité, je ne me suis jamais véritablement rentré, mais je connaissais déjà à l'époque en réalité la réputation, disons, un peu excentrique, hein, de Cathy Berbarian. Alors il y a aussi Michel, hein, qui a été repris, Yesterday, à chaque fois par des adaptations de son mari. Ah non, de son ex-mari. Non, je sais que... Non, là, elle parlait d'un compositeur néerlandais, Louis Andriessen. Alors lui, il a fait Michel, alors, peut-être. Je crois que c'est que Berlioz a arrangé Michel dans la version qui a été jouée au Carnegie Hall en 66, oui. Ouais. Alors, pour revenir donc un petit peu à Bernstein, il avait vanté un certain nombre des qualités mélodiques des Beatles, et notamment de Got to Get You Into My Life. Il avait dit, je ne sais pas si vous avez en tête la citation, mais moi je l'ai ici, je peux vous la donner. Songez seulement à l'originalité d'un air des Beatles comme celui qui s'appelle Got to Get You Into My Life et qui utilise les ressources les plus élémentaires de la pop musique. Cela pourrait presque être du Schumann, c'est si expansif, si romantique. Alors est-ce que ça pourrait presque être du Schumann selon vous, ce morceau ? Là, c'est un peu délicat de répondre à une telle question, mais en tout cas, cette tentation de comparaison avec les grandes figures de la musique savante, ça aussi, c'est quelque chose qui va caractériser les Beatles tout au long de leur carrière. Ils vont être comparés à Beethoven assez fréquemment. Alors Beethoven plutôt en tant que figure charnière, si vous voulez, dans l'histoire de la musique. À Monteverdi, enfin tout un tas de... Ils vont même être comparés à T.S. Eliot, à James Joyce. Enfin, c'est... Alors comment est-ce qu'on peut comparer à James Joyce des paroles comme Got to Get You, celle de Got to Get You Into My Life? Pour vous dire la vérité, moi-même, je n'ai pas vraiment la question, mais je pense vraiment plus généralement que ça a trait à cette volonté de légitimation. La seule comparaison, à mon sens, qui soit peut-être légitime, c'est la comparaison à Shakespeare, qui est revenue vraiment régulièrement sous la plume d'auteurs britanniques. Alors non pas qu'il s'agisse évidemment de mettre un signe d'égalité entre la production artistique des Beatles et celle de Shakespeare, mais en revanche, pour ce qui concerne leur capacité à incarner la culture britannique, à une époque donnée, à contribuer à son rayonnement à travers le monde. Et ça m'avait amené à me dire à une époque que les Beatles resteraient peut-être au règne d'Elisabeth II comme une sorte d'équivalent de ce qui a été Shakespeare au règne d'Elisabeth I. Et en fait, j'ai découvert, il y a peu de temps, sous la plume d'auteur britannique, que j'étais loin, évidemment, d'avoir été le premier à avoir cette idée. Oui. Alors, je vous propose d'écouter un exemple pour vous faire une idée plus précise, pour que les auditeurs puissent se faire une idée plus précise du rapport, s'il y en a, entre Schumann et les Beatles. Je vous propose d'écouter Got to Get You Into My Life. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? You didn't run, you didn't lie, you knew I wanted just to hold you. And had you gone, you knew in time we'd meet again, for I had told you. Ooh, you were meant to be near me. Ooh, and I want you to hear me say we'll be together every day. can I be? When I'm with you, I wanna stay. Hey, if I'm true, I'll never leave, and if I do, I know the way. Hey, ooh, and I suddenly see you. Ooh. C'est la compagnie des œuvres que vous écoutez sur France Culture et nous parlons des Beatles avec Olivier Julien dans son acception de musique savante et de la récupération par la culture cultivée de ce groupe. Alors vous expliquez bien dans votre article Olivier Julien de la revue Volume comment l'université s'est emparée au fur et à mesure de ce groupe de musique. Ça commence à partir de la fin des années 60 et peut-être en particulier à cause d'un album qui est l'album de Sgt Pepper qui semble marquer vraiment une rupture et qui permet de légitimer finalement tout ce qui est arrivé avant et l'ensemble finalement de la démarche artistique de ce groupe. Oui, c'est là que pour la première fois des revues scientifiques, des auteurs, des chercheurs en littérature notamment, vont consacrer, alors non pas des chroniques, comme on parlerait de chroniques de disques dans de la presse grand public, mais vraiment des articles de fond au travail des Beatles, en se basant sur cet album, des articles parfois d'une vingtaine de pages. Et là encore, il était de bon ton à cette époque pour des universitaires, en vue de se mouiller un peu avec ça. Pourquoi cet album en particulier ? Pourquoi cet album en particulier ? Je pense qu'il y a beaucoup de raisons, peut-être notamment avec cet album on peut avoir le sentiment que dans leur quête de légitimité les Beatles franchissent un pas supplémentaire dans la mesure où on a l'impression qu'ils se dégagent véritablement du format single qui était jusque-là le format privilégié dans les musiques populaires et qu'ils tentent de mettre en place quelque chose qui ressemblerait à une sorte de grande forme dans les musiques populaires. Donc il y a une question de format qui est importante. Bien sûr, oui. Ben vous savez que c'est l'album qui passe pour, alors peut-être pas le premier concept album stricto sensu, mais en tout cas l'album qui passe pour avoir rendu cette idée de concept album vraiment la plus convaincante pour le plus grand nombre de gens. Picture yourself in a boat on a river. With tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Il faut donner le nom de quelqu'un qui s'appelle Sheila Whiteley, qui est morte en 2015 et qui avait créé la première chaire de popular music en Grande-Bretagne, c'était à l'université de Salford. Elle était vraiment une pionnière dans l'étude des musiques populaires. Elle est une pionnière dans l'étude des elle était une pionnière dans l'étude des musiques populaires et elle était même liée finalement à toute cette histoire parce que, peut-être que ça parlera à certains de vos auditeurs, elle a fait sa thèse sous la direction de Richard Middleton, qui avait lui-même été formé par Wilfrid Mellers. Wilfrid Mellers était ce grand musicologue britannique qui a créé le département de musique de l'université de York en 1964, qui jusque-là n'avait publié que sur Schubert, Beethoven, etc. et qui s'est vraiment employé dès la création de ce département à intégrer les musiques populaires, en particulier les Beatles, dans le cursus de... Et alors elle explique que c'est vraiment avec Sgt Pepper, à l'été 1967, que une musique arrive à résumer l'état d'esprit de toute une époque. Oui, ça, on a beaucoup dit que le Sgt Pepper, c'était véritablement la bande-son du Summer of Love, c'est-à-dire cet été de l'amour qui a vu des hippies affluer du monde entier vers le quartier de Haight-Ashbury à San Francisco. Oui. Ouais, et malgré le meurtre de Che Guevara, malgré les émeutes raciales à Détroit, on oublie que c'était quand même cette ambiance-là. Il y avait la révolte qui grondait un peu partout dans les universités, il y avait la guerre du Vietnam, il y avait même la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis, ce disque finalement portait un regard plutôt enjoué sur le monde. Oui, mais c'est un album. Alors bon, c'est un album psychédélique. Maintenant, il est vrai que le regard que certains ont porté sur ce disque, vous savez que le fameux accord qui conclut A Day in the Life a été interprété par certains comme une métaphore d'une explosion nucléaire. Peut-on y apporter quelques crédits? Quand on lit des biographies sérieuses ou bien des comptes rendus de ce que les Beatles faisaient en studio à l'époque, non, ils n'étaient pas vraiment concernés par ces questions. Oui, je crois que Allen Ginsberg avait dit que cet album, c'était une découverte de la joie et de ce que cela signifiait d'être en vie. C'est vrai que par cet album et de par leur activité en tant que groupe, les Beatles ont été des instigateurs d'un changement culturel profond. À quoi ça tient, selon vous, Olivier Julien? Est-ce que c'est parce que c'est concomitant avec aussi une phase de la mondialisation qui est très active? Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour vous? Je pense que du fait de leur succès, je pense pas qu'ils aient véritablement initié quelque chose, mais du fait de leur succès, ce sont eux qui, c'est le groupe probablement qui reflète au mieux ce qu'a été l'arrivée des boomers à 20 ans, vraiment l'éclosion d'une génération. Pour prendre l'ampleur de ce qu'a été le baby boom, il faut savoir quand même qu'en 1964, à l'issue du boom aux États-Unis, il y avait 45% de la population qui était âgée de moins de 25 ans. Donc vous imaginez ce que ça signifie. Et tous écoutaient les Beatles, mais aussi leurs parents et leurs grands-parents, parce qu'il y a quelque chose d'universel dans cette musique. C'est vrai. Et ça, je reviens encore à McCartney, c'est sans doute à lui qu'on le doit, puisque McCartney avait été élevé par son père au son du trad jazz, c'est-à-dire cette forme de jazz un peu, disons, réactionnaire, hein, qui visait à reproduire le son du New Orleans. Et c'est vrai qu'on retrouve dans sa façon d'aborder l'écriture de chansons beaucoup de traits en commun avec, par exemple, la façon dont Gershwin, enfin des gens de Latin Panale, si vous voulez, concevaient l'écriture de chansons pendant la période de l'entre-deux-guerres. Voilà, Latin Panale qui était cette rue à New York, voilà, où on allait acheter des disques et des musiques. Alors, non. À l'époque, justement, les musiques populaires n'étaient pas organisées autour du support enregistré, mais autour de la partition. Non, on achetait des partitions. Alors, oui. Alors vous aviez les éditeurs qui, en réalité, vous aviez les éditeurs qui avaient des petits bureaux dans lesquels ils employaient ce qu'on appelait des song pluggers, des démonstrateurs, hein, comme vous allez acheter un aspirateur aujourd'hui, on fait la démonstration. Et bien, ils démontraient les chansons à des propriétaires de salles, à des particuliers. Et ces démonstrateurs étaient bien souvent des gens comme Irving Berlin ou... Ouais. Et les Beatles avaient la culture de ça, ou alors c'est qu'ils l'héritaient sans s'en rendre compte? Non, ça, McCartney l'avait en particulier. Pour Lennon, je pense qu'il l'a pu s'hériter indirectement par le biais de gens comme Carole King et Jerry Goffin, des gens du pre-building. Mmh. Oui, parce que la culture de l'un et de l'autre n'est pas du tout la même. On a d'un côté une culture qui est tournée vers une forme d'ésotérisme. Enfin, en tout cas, de plus en plus, Lennon va aller vers ça. Mmh. Alors que chez McCartney, il y a une volonté à la fois de replonger dans des racines populaires, dans des comptines, presque parfois des chansons presque enfantines, comme dans Yellow Submarine. Et puis, cette volonté aussi de faire plaisir, de s'intéresser à la mode du temps. On est vraiment dans des univers qui sont assez différents quand même, Olivier Julien. McCartney peut-être avait tendance à assumer plus facilement ce qu'Adorno appellerait la vocation industrielle, hein, des musiques populaires. Alors, non pas pour paraphraser une fois encore Adorno, non pas que les musiques... On peut paraphraser Adorno. Bon alors, attention, on va faire une émission spéciale. Non pas que les musiques populaire soit intégralement et non pas seulement en partie des produits de consommation, mais ça ne posait aucun problème à McCartney. C'est vrai que Lennon était plutôt mal à l'aise avec ça. Bon, pour autant, les musiques populaires sont de toute façon par essence un commerce depuis le 19e siècle. Ouais. Alors, ils avaient bien conscience, les Beatles, de leur importance dans ce changement culturel, à tel point que John Lennon avait déclaré qu'il était plus populaire que Jésus, que les Beatles, en tous les cas, étaient plus populaires que Jésus. Il s'en était expliqué, parce qu'évidemment, on lui avait quand même beaucoup reproché cette sortie, à Chicago, le 12 août 1966. I'll try and tell you. I was sort of deploring the attitude. The thing, I wasn't saying whatever they were saying, I was saying anyway. That's the main thing about it. And I was just talking to a reporter, but she also happens to be a friend of mine and the rest of us. At home, it was a sort of in-depth series she was doing. And so I wasn't really thinking in terms of PR or translating what I was saying. It was going on for a couple of hours, and I just said it as Je suis désolé. Je regrette mon attitude, ce que j'ai pu dire. En fait, j'ai parlé à une journaliste, mais c'était l'une de mes amies. C'était une conversation à bâton rompu pendant 2 heures. En plus, c'était à la maison. Je ne me doutais pas qu'elle allait rapporter mes propos. En plus, ils ont été déformés. Tout cela est extrêmement compliqué. En fait, j'ai pas dit que les Beatles étaient meilleurs que Jésus, ou Dieu, ou le christianisme. J'ai juste pris l'exemple des Beatles parce que je le connais bien. J'aurais pu dire que la télé, par exemple, le cinéma, ou la bagnole, étaient plus populaires que Jésus aujourd'hui. Je pensais que mes propos étaient off. Je ne savais pas que j'étais interviewé officiellement. Plus populaire que Jésus, c'est aussi un exemple de la manière dont les Beatles sont envisagés comme un phénomène de société, à un moment donné, davantage que comme un groupe de musique. Oui, peut-être, et puis peut-être également comme incarnant une forme de passage à l'ère globalisée dans l'industrie des musiques populaires. C'est vraiment le groupe qui incarne ça au mieux, je pense, oui. Alors, Lennon disait donc que les concerts des Beatles n'avaient plus rien à voir avec de la musique. Il disait qu'il s'agissait de foutus rituels tribaux. Là encore, on est bien éloigné de la question de la composition, de la question musicale. On est dans le phénomène de société. Et c'est comme ça que l'université va d'abord regarder les Beatles. Finalement, c'est plus les sociologues qui vont s'y intéresser, et les historiens, que les gens comme vous, Olivier Julien, qui allez consacrer la première thèse en France consacrée au son des Beatles. Alors ça, c'est ce que j'ai longtemps cru, et en réalité, les recherches que j'ai faites pour notamment cet article m'ont amené à réaliser que les musicologues avaient été investis dès le début, en réalité, dans les Popular Music Studies. Alors même si c'est vrai que si on regarde vraiment de près les tout premiers articles scientifiques qui ont été consacrés aux Beatles, étaient dans le domaine de la psychologie, notamment un article qui a été publié dans une revue américaine, revue de psychologie clinique, et dont l'auteur s'intéressait au phénomène Beatlemania. Et c'est très amusant parce qu'il avait vraiment organisé toute une espèce de mis en place une espèce de protocole avec des candidats auxquels il faisait écouter les Beatles, et il essayait de faire un lien entre ce qu'il appelait le stimulus Beatle et la réaction Beatlemania. Il y avait, je crois, 371 sujets. Oui, alors donc la Beatlemania s'est beaucoup incarnée dans l'hystérie qu'on a considérée être celle des fans, et en particulier des femmes. Est-ce que vous avez l'impression que ça a changé quelque chose, justement, dans un espèce de regard qu'on porte sur les jeunes filles en tant que fans? Est-ce que, finalement, comme cela a été dit par un certain nombre de chercheurs, il y a une avancée presque féministe dans la façon dont on a considéré les fans féminines à l'époque? Alors ça, c'est vrai que c'est une tendance lourde aujourd'hui dans les sciences humaines de voir des avancées féministes un petit peu partout, mais je pense en réalité que ça, c'est on passe simplement un cran dans des phénomènes d'adoration qu'on pouvait déjà constater avec les Bobby Sockers à l'époque de Sinatra ou avec les fans d'Elvis Presley, hein. Simplement là, ça prend une autre dimension. Mais c'est des femmes amoureuses, c'est ça qui change un petit peu, c'est qu'il y a un rapport vraiment d'amour et presque de dévotion par rapport aux stars qui sont des stars masculines. Est-ce que vous y voyez un phénomène sociologique ou pas? Moi, j'ai tendance, je pense à ce film de Woody Allen, Radio Days, dans lequel on voit des jeunes filles en train d'écouter le regard perdu dans le vague, la voix de Sinatra passant sur des postes de radio. Je pense pas que c'était si nouveau que ça, au fond. Alors, on peut parler aussi de quelqu'un qui s'appelle Eva Dietrich, parce que dans les années 70, les Beatles ont fait une entrée un petit peu discrète dans les départements de musique d'Europe continentale, grâce à elle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Alors ça, c'était une thèse en musicologie de l'université de Vienne, et Eva Dietrich avait pris un corpus d'une vingtaine de chansons pour illustrer l'évolution des Beatles. Alors, elle avait une terminologie qui lui était peut-être un peu particulière, mais du rock'n'roll à la beat music, puis de la beat music, et puis au bout du compte, ce qu'elle appelait la pop music, c'était une espèce de fourre-tout dans lequel on retrouvait des éléments qui provenaient de tous ces genres, y compris même de la musique indienne, de la musique savante, etc. Donc, c'est une volonté de définir ce qu'on appelle la pop music qui se passe à travers ce qui la concerne. Oui, c'était la motivation de sa thèse. Oui. Alors, c'est une première thèse en allemand, soutenu à l'université de Vienne et qui a précédé de 6 ans une autre thèse de l'université de Fribourg sur les structures harmoniques et mélodiques des chansons des Beatles. Là, c'est encore beaucoup, beaucoup plus savant. Oui, alors ça, s'il y avait quelque chose qui distinguait les Beatles dès le début dans les travaux qui étaient menés sur les musiques populaires, c'est que il semble que leur musique était la seule à inciter autant de travaux vraiment techniques sur l'harmonie, sur le rythme, la forme, des questions vraiment qui intéressent au premier plan, au premier chef, les musicologues. Here comes the sun. Here comes the sun, I say, it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. C'est la compagnie des œuvres que vous écoutez sur France Culture. Et l'œuvre justement que nous explorons cette semaine, c'est celle du groupe Les Beatles. Mon invité d'aujourd'hui est Olivier Julien de l'Université Paris 4. Alors dans votre article, Olivier Julien, vous avez particulièrement étudié ce qui s'est passé en Suède, où il y a eu un développement très précoce des Popular Music Studies. Pourquoi en Suède et plus encore davantage qu'ailleurs ? Alors là, ça risquerait de nous emmener loin. Il y a un musicologue qui s'appelle Tag, Philippe Tag, qui est britannique et qui a fait une grande partie de sa carrière à Göteborg, en Suède. C'est là-bas qu'il a soutenu sa thèse. Et qui a observé que la Suède n'avait pas une grande tradition, si vous voulez, savante, que ce soit en théâtre, en lettres. Je veux pas donner l'impression que moi je porte un jugement sur les Suédois. C'est pour ça que je m'abrite derrière Tag. Donc les Suédois n'avaient pas de grand patrimoine culturel qui justifiait la mainmise d'une culture savante, si vous voulez, sur l'université. Et selon lui, c'est peut-être ce qui a expliqué que les musiques populaires aient trouvé leur place beaucoup plus facilement dans l'université en Scandinavie en général. Alors on pourrait imaginer, en revanche, qu'en Angleterre, au Royaume-Uni, il y ait beaucoup d'études sur les Beatles, ça n'a pas été tellement le cas. Alors il y a eu évidemment un certain nombre de travaux, mais en ce qui concerne les travaux qui abordent les Beatles sous l'angle de la musicologie, là ils se comptent vraiment sur les doigts d'une main. Et c'est vrai que c'est l'une des questions auxquelles je tente de répondre dans cet article. C'est vrai qu'on peut légitimement, dans un pays où, comme je le disais tout à l'heure, on a coutume de dire que les Beatles resteront peut-être à Elisabeth II comme un équivalent de ce qu'était Shakespeare à Elisabeth Ière, on peut se demander comment ça se fait que les universitaires n'ont pas témoigné d'un tel intérêt pour d'un intérêt comparable, en tout cas celui notamment des Américains ou des Scandinaves pour les Beatles. Oui. Alors comment ça se fait selon vous ? Alors, je vais peut-être pas me faire que des amis là. À mon avis, ça tient à la mainmise de la façon dont l'étude des sciences humaines ont évolué au Royaume-Uni dans le sillage de l'essor des cultural studies, et donc à travers les cultural studies, évidemment, l'école de Francfort, puis au-delà le marxisme, c'est-à-dire que dans cette tradition de pensée, l'essentiel est d'envisager votre objet à travers le prisme des relations de pouvoir, des relations de domination. Mm-hmm. C'est ce qui explique le succès des gender studies. J'ai eu à évaluer dernièrement beaucoup d'articles qui abordaient les Beatles sous l'angle des gender studies, avec des choses parfois absolument vraiment tirées par les cheveux, quoi. Donc les gender studies, la domination des hommes sur les femmes, les race studies d'une race, d'une ethnie sur une autre. Il y a quelques chansons un tout petit peu misogynes des Beatles. Comme? Ah, alors attendez, il faut que je la retrouve, mais il y a cette chanson où je crois que c'est John Lennon qui l'écrit et où il dit en fait tu m'as quitté pour un autre, mais c'est moi qui étais celui qui t'aimait vraiment, et au fond va mourir en enfer, quoi. C'est à peu près ça l'idée de la chanson. Oui, mais ça c'est la misogynie de l'amoureux déçu qui s'exprime comme un adolescent, je pense, plus que... Donc, les universitaires au Royaume-Uni, pour cette raison qu'ils sont ou qu'ils seraient trop influencés par une vision de la domination, au fond, n'ont pas tellement étudié musicologiquement les Beatles, mais l'ont toujours pris d'un point de vue idéologique. C'est ça que vous dites? Voilà, ça, à mon sens, c'est ce qui explique leur désintérêt pour les Beatles en tant que musiciens, et également pour les Beatles en tant qu'objet, tout bêtement. Les Beatles, c'est un groupe qui est tellement consensuel en même temps que ça cadre mal avec l'idée selon laquelle la culture populaire, les musiques populaires sont l'expression d'une partie de la population elle aussi dominée. Merci. Pour la dernière chanson, je vais vous demander votre aide. Alors, les gens qui sont dans les sièges les moins chers, tapez des mains. Et les autres, faites du bruit avec vos bijoux. Merci. Du concert devant la reine au Prince of Wales Theatre, c'était le 4 novembre 1963, avec cette impertinence des Beatles. Il faut dire que, comme vous le disiez tout à l'heure, sans doute que les Beatles est l'équivalent de Shakespeare pour Elisabeth II, de ce qu'il était pour Elisabeth I. Toujours est-il que c'est un groupe qui a rendu sa grandeur à la Grande-Bretagne, et symboliquement, à un moment où le pays n'allait pas très bien, c'est quand même très très important. Bien sûr, et ce n'est pas un hasard si, à chaque époque où les Britanniques semblent retrouver une certaine fierté en matière de production musicale, je pense notamment à l'ère de la Britpop, ce n'est évidemment pas un hasard si tous les groupes continuent aujourd'hui encore de se mesurer aux Beatles. Donc la Britpop, c'est Blur et Oasis dans les années 90. Vous pensez que c'est à partir des Beatles qu'on va quand même considérer que la Grande-Bretagne est une grande nation de la musique, et notamment de la musique populaire, ou est-ce qu'il y a une tradition qui remonte plus loin? Disons que pour présenter les choses de façon schématique, jusqu'à l'arrivée des Beatles, les musiques populaires britanniques étaient vraiment sous influence américaine, depuis le début du XXe siècle, à vrai dire. Et ce sont vraiment les Beatles qui vont situer le Royaume-Uni sur la carte du monde des musiques populaires de manière durable. Alors, vous évoquez aussi les biographies, les monographies qui ont été faites des Beatles. C'est vrai que quand on lit des essais sur les Beatles, on a parfois le sentiment qu'on lit surtout des biographies. Est-ce qu'on peut interpréter par leur vie leur œuvre selon vous ? Alors ça dépend ce que vous cherchez à interpréter dans leur œuvre, mais évidemment vous vous pourrez trouver dans les biographies des, je sais pas moi, des anecdotes quant à la façon dont telle ou telle chanson a vu le jour, dont dont telle ou telle personne aurait inspiré telle chanson. Tout dépend de ce que vous cherchez. Il y a notamment, je pense, à la fameuse biographie de Davis. Vous pouvez également apprendre des choses sur la façon dont il travaillait en studio, puisque l'auteur de ce qui a longtemps été la seule biographie autorisée, la biographie de Hunter Davis, a eu la chance d'assister en studio à l'enregistrement de certaines chansons comme justement Lucy in the Sky en 66-67, c'est l'époque à laquelle il préparait son livre. Donc c'est un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure sur les techniques qui ont été utilisées, les bandes retournées, peut-être des premiers samples, ou est-ce qu'on peut leur attribuer ce genre d'innovation? Alors, premier sample, on a tendance à leur attribuer la première utilisation des samples sur la base de Tomorrow Never Knows, et en réalité, il s'avère que le premier emploi véritablement d'un sample, d'un échantillon, au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire je prends un bout de musique et je le plaque dans ma composition, ça c'est en réalité les deux mesures de fanfare sur Yellow Submarine que les Beatles ont trouvé dans la bibliothèque, enfin la discothèque en réalité, d'Abbey Road, les musiques d'habillage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fans qui venaient à l'extérieur dans la rue à Abbey Road. Mais Mal Evans, qui était un des roadies, devait informer les fans. C'est ce qu'on subodorait. Et un jour, on devait enregistrer She Loves You. Et on s'est retrouvé avec 300 filles à la porte. Évidemment, elles ont pu franchir la porte. Elles ont débarqué dans le studio, elles cavalaient dans les couloirs, elles criaient, elles sont rentrées dans les salles de mixage, elles sont allées dans les autres studios, et il y a certains gens de EMI qui ont essayé de les évacuer en quelque sorte, mais elles ont fini par arriver dans notre studio. Alors elles se sont jetées sur Ringo, allez savoir pourquoi lui. Bref, cet événement a déclenché autre chose, parce qu'il y avait une telle excitation qui a été injecté dans le groupe, qui avait une énergie incroyable dans cet enregistrement de She Loves You. Et à cette époque-là, on n'était même pas en quatre pistes, on était en deux pistes pour She Loves You. Mais si on écoute ce morceau, on sent une énergie particulièrement dans les voix. Et cette énergie, ils l'ont due à ces filles qui ont débarqué dans le studio. Plus tard, la police est arrivée et puis les a virées. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah, yeah. You think you've lost your love? Well, I saw her yesterday, yeah. It's you she's thinking of, and she told me what to say, yeah. She said she loves you. Geoff Emerick, qui était ingénieur du son pour les Beatles. Ça tient à peu de choses, Olivier Julien, la couleur d'une chanson, parfois seulement l'énergie du moment, des jeunes filles qui s'introduisent dans un studio d'enregistrement. Oui, peut-être, c'est peut-être aussi l'humilité de Geoff Emerick qui l'amène à passer sous silence, enfin même si ce n'était pas lui l'ingénieur sur cette chanson, mais qui l'amène à passer sous silence la part que tient la maîtrise des techniques du son, du matériel dans le produit fini. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la part qu'il passe sous silence? Alors, parce que là c'était le vieux de ma thèse, disons que si on envisage les Beatles sous cet angle, le rapport tient à ce qu'ils ont été parmi les premiers musiciens populaires à aborder les technologies musicales en les détournant de leurs fonctions de manière à obtenir des sonorités inouïes. Alors je prenais tout à l'heure l'exemple du magnétophone avec sur lequel le magnétophone à bande, vous pouvez tout bêtement inverser les bobines et donc retourner l'enveloppe du son pour le lire à l'envers, pour obtenir un effet de lecture rétrogradé. Donc ça, c'est une première façon de détourner le magnétophone à bande de sa fonction d'appareil qui consiste à consigner tout bêtement des sons. Mais le magnétophone à bande, vous pouvez aussi vous en servir pour produire des effets d'écho à bande, c'est-à-dire pour rajouter une forme de réverbération un peu claquante de façon artificielle. Vous pouvez également vous en servir pour altérer la vitesse de défilement, donc la hauteur des sons. Ça, les Beatles l'ont fait vraiment systématiquement à partir de Revolver. Vous pouvez vous en servir également pour doubler des sons. Vous savez que le terme de flanger qu'utilisent aujourd'hui tous les musiciens populaires, c'est un terme qu'on doit à John Lennon. C'est une technique que Emmerich notamment avait contribué à mettre au point pour lui. Il avait pris l'habitude d'appeler ça le flanger de Ken. Mais le son des Beatles, qui est si spécifique, au fond, il est lié au micro de l'époque, à la technique de l'époque. Si on réenregistrait aujourd'hui des chansons des Beatles avec les Beatles, des Beatles de 20 ans, les mêmes, on n'aurait pas du tout la même musique. Il est probable que non. Ça tient à tout un contexte. Si vous voulez, la façon dont a été reçue cette musique à l'époque, c'est parce que la technologie disponible ne permettait pas à d'autres groupes d'obtenir ça. Les Beatles, si vous voulez, pour produire ce type de son, avaient des passe-droits à Abbey Road, qui était à l'époque déjà le meilleur studio d'enregistrement au Royaume-Uni, dont ne bénéficiaient pas leurs concurrents directs. Alors, c'est vrai que il y a aussi ce qui se passe à l'intérieur du studio qui va créer le son d'un album des Beatles. Notamment, vous expliquez la frontière entre la cabine d'enregistrement et le studio, qui traditionnellement était très étanche, tout d'un coup ne l'est plus. Oui, ça c'est aussi vraiment un grand bouleversement qu'ils incarnent. Alors là encore, il y a eu quand même des précédents, notamment Buddy Holly aux États-Unis, qui était vraiment le premier musicien de rock'n'roll à participer activement à la production de ses propres disques. Mais c'est vrai qu'au Royaume-Uni, c'est très frappant. Quand vous regardez les photographies des Beatles en studio, vous constatez qu'en 1962, ils se tiennent derrière la vitre, ils ne pénètrent pas en régie, ils sont là uniquement pour suivre les directives de leur producteur. Ensuite, ils vont boire une bière au pub du coin pendant que les techniciens mixent. À partir du milieu des années 1960, on a des photos, on les voit en studio, dans la régie cette fois, dans la régie, assis devant la table de mixage, ils discutent de choix de production. Donc ils deviennent eux-mêmes un peu ingénieurs du son. Et oui, et puis à la fin de leur carrière, à l'époque de Let It Be, on les voit, on a une photo, on voit George Martin en train de regarder Paul McCartney à la console, et c'est lui qui mixe désormais. En fait, le studio, ça n'est plus capturer l'esprit du concert comme ça l'est au début. Plus on avance dans la carrière des Beatles, et plus on invente un son qui est spécifiquement un son du studio. Est-ce qu'ils ont leur part dans cette évolution musicale-là ? Ah, bien sûr, bien sûr. Ils ont été le premier groupe avec un tel statut à devenir véritablement un groupe de studio après qu'ils auront vraiment décidé d'arrêter les tournées. Et c'est peut-être ça aussi qui contribue à faire de Sgt. Pepper un disque assez unique. C'est-à-dire que pour la première fois, quand ils se sont lancés dans l'enregistrement de cet album, qui leur a pris pas moins de 5 mois, ils savaient qu'ils n'auraient pas à se poser la question de sa reproductibilité sur scène. Je vous remercie beaucoup Olivier et Julien, et puis je renvoie nos auditeurs à la revue Volume que vous avez coordonnée sur donc cette question des Beatles Studies que nous avons évoquée avec vous. Elle date, cette revue, de 2015. Tout de suite, la chronique. La Compagnie des Œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Une chronique qui vous est proposée aujourd'hui par Philippe Roger, directeur de la revue Critique. Bonjour Philippe. Bonjour Mathieu. Le numéro spécial de Critique qui sort cette semaine est consacré à l'Inde. Vous l'avez intitulé « L'Inde colossale et capitale ». Alors pourquoi ce pays et puis pourquoi ce titre ? Alors, la réponse est en partie contenue dans le titre lui-même. L'Inde est colossale, oui, on le sait, par sa population d'abord, qui talonne celle de la Chine, si elle ne l'a déjà dépassée, comme le pensent certains démographes. 1,4 milliard d'êtres humains, il faut le rappeler. Par son poids économique, son produit intérieur brut, ça on le sait aussi, est devenu maintenant plus élevé que celui de la France. Il va dépasser celui de la Grande-Bretagne très bientôt. Et par sa puissance militaire, il faudrait l'ajouter, près de 4 millions de soldats, l'arme nucléaire, des rafales made in France. Non moins colossales, hélas, les inégalités. qui se creuse plus vite et plus profondément que partout ailleurs dans le monde, entre des milliardaires pléthoriques et des déshérités innombrables. Alors on pourrait prolonger la litanie des records, hein, les uns impressionnants, les autres accablants, mais aucun pays n'est la somme de ces statistiques. L'Inde, c'est aussi le dynamisme de son cinéma, la qualité de ses grandes écoles, le rayonnement de sa littérature, de Salman Rushdie, Naguère, et encore aujourd'hui, à Arundhati Roy, qui nous a d'ailleurs accordé un très vibrant entretien intitulé « L'esprit de sédition est un devoir ». Alors, l'Inde a beaucoup changé depuis le voyage un peu burlesque des Beatles en 1968. Ce qui n'a pas changé, en revanche, c'est le peu d'intérêt que les Français dans l'ensemble portent à l'Inde. Et nous avons pourtant d'excellents indianistes, vous en trouverez quelques-uns dans ce numéro de critique, mais à lire les médias, la presse française, on en apprend beaucoup plus sur la Chine, sur la Russie, l'Afghanistan, que sur l'Inde, qui est pourtant un monde à elle seule, peut-être plus encore qu'un monde. Je pense ici à Borges, dans l'Aleph, il invoque un proverbe bien étrange. Je cite, « L'Inde est plus grande que le monde ». Alors c'est peut-être parce que longtemps, les Français ont réduit l'Inde à nos 5 comptoirs, hein, que les écoliers psalmodiaient, mais pas vous, cher Mathieu, vous êtes trop jeune, Pondichéry, Karikal, Yanaon, Chandernagore et Mahé, le subcontinent dans une comptine. Les écoliers désormais ne les psalmodient plus, et non, et il est donc grand temps d'en apprendre de nouveaux. De nouveaux noms de villes ? Oui, car pour comprendre l'Inde d'aujourd'hui, c'était notre pari, il faut passer par ces villes. Métropoles, mégapoles, ces capitales multiples, historiques, économiques, politiques, culturelles, symboliques. New Delhi, bien sûr, mais aussi Nagpur, Ahmedabad, Bangalore, Thiruvananthapuram, c'est la plus difficile à prononcer, Allahabad, Hyderabad, Kota, Mumbai, Bombay, Calcutta et jusqu'à cette étonnante Omega que les Japonais ont bâti non loin de Madras, aujourd'hui Chennai. Tels sont donc nos choix, tels sont nos capitales de l'Inde. Alors ces villes, souvent réputées invivables, elles sont pourtant en même temps les vraies richesses de l'Inde. Je ne parle pas seulement en termes de richesses intellectuelles ou scientifiques. Et c'est là, en effet, ça n'est pas dans les campagnes, ça n'est pas dans les petites villes ou villes moyennes que l'extrême pauvreté régresse. Bref, c'est là que se joue l'avenir. Et c'est à leurs habitants même que nous avons demandé d'en retracer l'histoire, les légendes, l'économie, la structure sociale, de transcrire les sons, les odeurs, de nous décrire ces paysages urbains composites, souvent multiséculaires. Les trois quarts de nos textes dans ce numéro de critique viennent d'Inde même. Ils ont été rassemblés par Divya Dwivedi, qui enseigne la philosophie à New Delhi. Et nous avons rassemblé des écrivains, des historiens de l'Antiquité, de la modernité, des politiques sociales. Bref, ces voix, il convient de les écouter, car ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'autre adjectif de notre titre, est capital. Écologiquement, on le sait, hein, la pollution en Inde tue plus que dans aucun autre pays, les déchets dangereux y convergent de partout, mais politiquement aussi et surtout. Il y a un cliché très contestable d'ailleurs qui a longtemps fait de l'Inde, je cite, la plus grande démocratie du monde. Or cette démocratie présente aujourd'hui le double visage d'un creusement des inégalités et d'une exacerbation des conflits communautaires. Bien sûr, l'Inde n'a nullement le monopole de ce présent cocktail d'autoritarisme, de nationalisme et de populisme, corsé d'intolérance religieuse, mais elle en est probablement aujourd'hui le plus gigantesque laboratoire, et en ce sens aussi, nous avons beaucoup à apprendre des Indiens, et pas seulement sur l'Inde. Eh bien, merci beaucoup Philippe Roger, on peut en apprendre beaucoup sur les Indiens et l'Inde grâce à votre numéro de critique qui paraît aujourd'hui et qui est par ailleurs le plus volumineux que vous ayez jamais produit. Merci Philippe. C'était la compagnie des œuvres Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Pierre Cataneo et Swad Boukorza. La semaine prochaine, nous vous proposerons d'entendre notre série sur Cartier-Bresson pour les 3 premiers jours de la semaine et un épisode de la série Man Ray qui n'avait pas pu être diffusé pour ce qui concerne le jeudi. Dans un instant, les sciences.